Alors, à mesure que son information, son autonomie et son intellectualité s'accroissent, chaque être humain a donc besoin, un besoin de plus en plus pressant, d'une conception du monde, capable de l'orienter dans ses choix, de l'assurer dans ses peines et dans ses désarrois. Or, à l'heure actuelle, pour la masse du peuple, cette conception du monde n'existe pas ou n'existe plus. Et comme disait récemment un éminent sociologue, il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de donner aux hommes à travailler et à consommer, il faut leur donner à vivre. Dans cette optique, il y a deux courants de pensée qui s'affrontent. Le premier, celui de la science expérimentale, qui prône les valeurs réelles. Le réel, c'est tout ce qui existe, tout ce qui est perceptible à l'homme au moyen des méthodes de la science expérimentale. Le deuxième courant est celui de la religion, qui fait appel aux valeurs surréelles, au surnaturel, à la foi, à l'intuition, et à tout ce qui n'est pas perception au moyen de méthodes de science expérimentale. Et elle le fait dans le but de donner une cohérence au puzzle, pour combler les vides de la science et donner une signification à l'univers, à la vie et à l'homme. Tout se passe donc comme si l'humanité était faite de deux types d'hommes divisés par la prépondérance qu'ils accordent respectivement à l'une ou l'autre partie de leur cerveau, soit le paléocéphale, donc cette partie du cerveau qui fait appel à la sensibilité, au sentiment, à l'intuition, à l'instinct, et aux valeurs surréelles. Et le néocéphale, ou partie du cerveau qui permet la pensée claire, en tout cas, qui permet, en principe, la pensée claire, la décision réfléchie, l'efficacité, mais aussi les crimes de la raison, la rationalité analytique et industrielle, le niveau de vie. En acquérant d'énormes pouvoirs sur le réel, le néocéphale a perdu la compréhension mystique qu'il avait de l'ensemble du réel et l'a conduit, dans quelques cas, à accepter l'absurde, comme dans les conclusions de certaines sommités de l'intelligentsia, par exemple de Jean-Paul Sartre, de Claude Lévi-Strauss, de Jacques Monod, qui disent, certains, la vie n'a pas de sens, l'homme est de trop dans l'univers. Donc, en acceptant cet absurde-là, on est aussi obligé d'accepter que les limites de la science soient aussi celles de la pensée humaine. Alors, il semble que ces deux courants de pensée s'affrontent et que chacun de nous faisons partie soit du néocéphale, soit du paléocéphale. Et qu'aujourd'hui, c'est le néocéphale, donc cet aspect qui permet la pensée claire, la rationalité, qui l'emporterait, donc qui donne une prépondérance à la science par rapport à la religion. Autrement dit, c'est le grand conflit entre la religion et la science, entre la connaissance et la foi, les valeurs réelles et les valeurs surréelles. Alors, ce que je voudrais savoir, je voudrais avoir votre opinion là-dessus, Bernard de Montréal, les valeurs réelles peuvent-elles se passer des valeurs surréelles? La science peut-elle se passer de la religion? Faut-il fusionner les deux? La religion n'a pas besoin de la science. Et la science n'a pas besoin de la religion. Ils ont été interloqués au cours de l'évolution. Mais l'une n'a pas besoin de l'autre parce que la science prétexte toute connaissance en relation avec les sens. La religion prétexte toute connaissance en relation avec les aspects intuitifs de l'homme. Donc, ce sont deux attitudes qui sont diamétralement opposées sur le plan technique. Et ce qui fait qu'il y a une tendance chez le religieux aujourd'hui à